Bon, techniquement, on est bon, on n'est pas dans les choux. La sono, pour parler au stade, elle marche, et voilà. Donc, bah, bonjour à tous, il faut que je situe le contexte où on est là, ici. On est à Fère, en Tardenois, c'est dans le bas du Hauts-de-France, ou alors tout en haut de la région parisienne, d'à peine vous la dépassez, pas très loin de Château-Thierry. Et je suis très content d'être accueilli ici. C'est dans un espace qui fait à la fois médiathèque, centre d'art, centre de musique. Et ça tombe bien parce que ce dont on va parler aujourd'hui, finalement, c'est à la croisée de tout ça, même si c'est avant tout et essentiellement de la musique et de la musique pour jus. Pour jus et pur jus, hein, on a même le droit de dire les deux. Très heureux de parler ici de Moondog. On est en zone rurale et on va parler de quelqu'un qui s'est totalement affirmé dans l'urbanité. Avant que j'en dise plus sur ce personnage un peu étrange, un son très court, ça dure moins d'une minute. Toute la vie, toute la musique est là-dedans. Et on décode dans 51 secondes. Secondes de musique pure qui viennent de la rue. On est au cœur des années 50, en 1956, on est à New York. Et Moondog, c'est un SDF, c'est un hobo, comme on pouvait le dire à l'époque, qui a élu domicile dans les rues de New York. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est une tentative de dialogue, pas tout à fait réussie d'ailleurs, entre Moondog, qui joue d'une flûte en bambou, et du Queen Mary, qui arrive dans le port de New York. Avec cette même tonalité à l'unisson, avec cette acuité musicale extrêmement forte, et on va le voir très vite avec Moondog en musique. C'est un compositeur né absolument virtuose, mais quand il est dans les rues de New York, au milieu des années 50, comme le serait n'importe quel SDF aujourd'hui, évidemment personne, ou à peu près tout le monde, ignore ses talents de compositeur et de musicien. Et cependant, c'est bel et bien de la musique qu'il fait à New York. Il se pose là dans un accoutrement absolument ahurissant. Et en fait, les gens vont plus le voir que l'entendre. C'est quelqu'un qui s'habille comme ce qu'il pense être une forme de dieu viking ou de chef de tribu viking. Donc il a une toge comme ça absolument longue, un chapeau avec des cornes. Voilà. Alors qu'en fait, les Vikings n'ont jamais eu de cornes à leur chapeau, mais ça, il ne sait pas encore, à ce moment-là, Moondog. Et cet accoutrement va faire de lui un des personnages les plus publics, les plus allumés, les plus en vue de ce New York des années 50, où tout le monde, alors surtout dans la 8e avenue, hein, enfin, on est au cœur de la ville, il y a des millions de personnes qui transitent chaque jour, donc il est vite connu comme le loup blanc, le père Moondog, y compris par des célébrités, par des musiciens locaux qui jouent à Broadway à côté, etc. Parmi eux, Charlie Parker, bien plus tard, Janis Joplin. Enfin, tout le monde va côtoyer, si ce n'est la personne Moondog, au moins le personnage. Ce qui va être chez lui, finalement, un théâtre de rue, un lieu de composition et un lieu de performance, laisse pas complètement deviner tout ce qui va pouvoir arriver après, et notamment le disque qu'on va spécialement camper aujourd'hui, qui lui est un disque c'est un disque purement symphonique en fait, et fait avec un orchestre symphonique, et c'est le premier qu'il fera dans le genre. Donc cet album arrive, lui, en 1969. Donc compte tenu que ce qu'on vient d'entendre a été enregistré en 1956, et qu'après j'ai parlé de Moondog en 1969, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Alors en l'occurrence, sous les ponts new-yorkais, là où Moondog et sa mythologie croissent toujours. Et avant d'arriver à ce qu'il est, ce qu'il est devenu, il faut revenir un petit peu à ce qu'a fait le mythe. Je parlais de lui comme d'un hobo. On a utilisé après l'expression clochard céleste. Mais enfin, mentons pas, ça définit quand même une condition sociale hyper précaire, mais qui a été choisie par Moondog. C'est clairement un anticonformiste, c'est aussi un solitaire. Et même si personne sait encore que c'est un compositeur d'exception, en tout cas peu, très peu, c'est en germe et ça commence pour lui, chez lui dès l'enfance. C'est quelqu'un qui naît dans le Kansas, dans une petite ville du Kansas. C'est un fils de pasteur, il naît en 1916, fils de pasteur, donc éducation quand même très serrée et surtout extrêmement religieuse en fait. Et il y a deux événements, on va même dire trois, mais deux événements qui vont marquer sa vie de pré-compositeur dès l'enfance et influencer énormément sur toute sa production après, c'est sa façon d'écrire. La première, et ça bravo à son père, Pasteur l'amenait très régulièrement, on dit, la rumeur dit tous les dimanches, dans un camp indien, dans une tribu Arapaho, où le chef de clan s'était pris d'amitié pour Moondog, c'était un petit bambin de 5-6 ans à l'époque, il le prenait sur les genoux et le faisait sauter sur ses genoux en jouant constamment d'un tambour, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, un véritable beat per minute comme ça, assez saccadé, et qui a complètement imprégné le cerveau de Moondog et qui va devenir extrêmement récurrent dans pratiquement toutes ses compositions par la suite. Vous allez voir que le rythme a beaucoup d'importance chez lui, mais souvent une superposition de rythme. Donc un rythme comme ça dominant, une forme de off-beat qui continue, qui serait l'équivalent du BPM des DJ aujourd'hui. Mais par-dessus ça, une polyrythmie elle, souvent beaucoup plus complexe, qui va mélanger plusieurs temps à la façon un petit peu de ce que pouvait faire le jazz à l'époque. Jamais Moondog d'ailleurs se revendiquera comme un musicien de jazz ou encore moins d'un musicien minimaliste comme on a voulu l'attribuer après. Non, lui, c'est quelqu'un qui est en fait un grand fan d'une Europe idéalisée. Toutes les grandes les symphonies wagnériennes, de Bach à Wagner, de la fin du baroque aux grandes époques classiques et même romantiques, c'est les choses qui obsèdent Moondog. Alors qu'il est vu chez lui comme un pur produit américain de la contre-culture américaine. C'est un paradoxe, c'est intéressant à signaler. Mais je reviens à l'enfance, puisque je parlais un petit peu de l'enfance de Moondog. Un deuxième événement qui lui arrive, c'est sa prime adolescence. Il devient aveugle suite à un accident où il va ramasser par erreur sur une voie de chemin de fer un bâton de dynamite qui traîne là. Ça va lui exploser au visage. Il perd l'usage de la vue. Je peux dire que c'est un événement majeur aussi. Et pourquoi je disais qu'il y avait trois événements, c'est parce que cet événement-là va en amener un troisième immédiat. Il a dit à partir du moment où Dieu a mis sur mon chemin ce bâton de dynamite, qu'il l'a fait exploser ou qu'il m'ait laissé le prendre, prouve que Dieu n'existe pas, puisqu'il n'aurait pas pu faire ça. Donc il y a un rejet absolu. En perdant la vue, il perd aussi la foi. Et ça en dit long, parce que perdre la foi, c'est perdre aussi totalement lien avec sa famille, ni plus ni moins. D'où ce choix qui va venir un petit peu après de prendre le large et d'atterrir à New York, où entre-temps, Moondog aura fait des études musicales quand même d'extrêmement haut niveau, il va se remarquer très très vite. Il va bien sûr travailler la musique en braille, ce sera une nécessité à ce point-là, mais il va lui-même la développer et se doter de son propre système de partition qu'il développera lui-même. Mais plutôt que de vouloir faire école et éventuellement dans son lieu de vie ou même dans l'État dans lequel il a grandi, donc le Kansas, je le rappelle, bon, il part à New York. New York, c'est un peu comme le papillon de nuit attiré par la lumière. C'est là que ça se passe. Spécialement donc à l'époque où Moondog va y arriver, en 48 exactement. Donc de 48 à 1956, date à laquelle avaient été faits les enregistrements de ces enregistrements de rue là que je vous ai entendu, il y avait déjà énormément de choses qui s'étaient passées. Et tout ça pour nous arriver donc à cet album miraculeux de 1969. Il se trouve que je parlais de Moondog comme quelqu'un comme une personnalité très confidentielle, à la fois totalement visible dans la rue, mais dont l'art était finalement entendu que par très très peu. C'est vrai, mais c'est quand même de moins en moins vrai avec le temps. Et Moondog est typiquement ce musicien pour musicien. Alors qu'il ne trouve pas une audience publique forte, C'est pas si étonnant que ça, surtout à un moment où la musique classique ou post-classique aux États-Unis n'est pas complètement affirmée. Soit on est dans la musique d'avant-garde européenne, soit on est dans les débuts d'une musique minimaliste qui n'a pas encore complètement pris ses marques aux États-Unis. Donc ce qui va attirer l'oreille aussi bien in situ aux États-Unis qu'au dehors des États-Unis, c'est tous ces nouveaux courants de jazz très forts, très forts, qui vont se passer, des big bands aux instrumentistes parfois, type Charlie Parker, et après Coltrane, qui vont eux émanciper le bebop à eux seuls dans des petits formats, enfin dans des petites formations en tout cas. Chez Moondog, il y a un complexe inverse, c'est amusant. C'est quelqu'un qui vient plus que de la petite formation, il vient de la rue, donc il a appris à jouer seul. Et pour jouer seul, il a fabriqué ses propres instruments. Tout à l'heure, on entendait une flûte comme ça qui paraissait relativement précaire, mais il a fait des instruments plus élaborés. Il y en a un que je vais vous nommer, qui s'appelle la trimba, et qu'on va même entendre rapidement là, dans un petit morceau, toujours enregistré dans la rue, dans les conditions que j'évoquais tout à l'heure, et toujours la même année. Terrific. Anything else? I'll try another one. All right, here you go, Tony. All right, sure. La rue toujours, et la conversation, parce que forcément, on rencontre des gens, on parle. Là encore, quelque chose d'extraordinaire. Alors, ça révèle pas mal de choses. D'abord, ça confirme cette complexité rythmique à laquelle Moondog peut arriver dans la composition. Tout cela est très écrit, hein. Il n'y a pas d'improvisation. Mais le fait que ce soit joué dans la rue, à même la rue, avec un instrument a priori précaire. La trimba, il n'y en a qu'une au monde. Alors, elle est dûment conservée par Moondog est tellement réhabilité que si vous voulez, tout ce qui touche à lui est devenu de l'ordre du sacré, mais de manière finalement pas surprenante. Et cet instrument-là, il est deux fois plus petit que le bureau duquel je vous parle là. Il est conçu pour être... C'est un petit peu la boîte à cirage du compositeur lâché dans les rues de New York, quoi, si on veut avoir cette image-là. Et vous avez entendu les sons absolument inouïs qu'il arrive à sortir de ça. Il est seul, là. C'est absolument dingue. Il y a un overdub. Il y a quand même deux parties de musique associées l'une à l'autre. Il y a la partie relativement grave, la plus rythmique, qui est la trimba pure. Et puis cette partie un petit peu de jeu à cordes, qui est là aussi un élément de percussion, mais qui vient d'un autre instrument, qui est fait dans un deuxième instrument. Donc c'est un mixage de deux pistes. Voilà pour l'histoire. Alors, que ceci prépare aux compositions beaucoup plus symphoniques qui viennent après, on va se dire, bah oui, mais comment ? Bah, en fait, justement, c'est l'écriture. Chez Moondog, né Louis Harding, c'est pas son nom évidemment, je crois que c'est encore, j'aurais dû vérifier, mais il y a quelque chose qui tient aussi du mythe Arapaho et des trucs indiens avec le chien qui hurle à la lune, on est dans quelque chose comme ça, très très rituel. Il avait hérité comme ça, un petit peu jeuneau, de ce nom qu'il a finalement gardé artistiquement. L'album qu'on va découvrir, alors comment on arrive à ça ? Ben, y a un moment où cet animal-là est flanqué, là, qui ressemble à un viking en plein milieu de New York, quand on commence à savoir ce qu'il fait, on se dit, ben, il faut peut-être y aller. Et finalement, c'est la division épique de chez CBS, Columbia, donc grosse maison de disque, attention quand même, qui se décide à le signer pour du symphonique. Les disques qu'on entendait avant avaient été faits, alors pour certains, par un tout petit label, vraiment, alors c'était... le nom m'échappe, mais ceci était très très petite diffusion. Mais paradoxalement, c'était le publisher de la musique de Moondog était en fait celui qui habitait juste au-dessus de l'endroit dans lequel il jouait dans la rue. Donc à force de le voir, il a dit bon bah viens, on va enregistrer un truc. Les trois disques suivants des années 50, qui eux sont très importants à mon avis et dont on entendait des extraits là, sont eux signés sur un label de jazz qui s'appelle Prestige. Si je reste un label de jazz, c'est prestigieux. Et c'est ce qui a valu une popularité un peu en différé, comme ça, de Moondog chez les musiciens de jazz et plus spécialement chez les compositeurs de jazz, big band. Mais comme je l'avais dit, et là je peux insister maintenant, Moondog se moque complètement de ça. Le jazz, c'est pas son truc. La culture américaine, bon, il a beau être américain, lui, il idéalise une culture européenne. Comme bien même, il invente des vikings avec des cordes qui n'ont jamais existé. Il est dans une musique qui se revendique de la musique classique, au vrai sens du terme, voire même par moments de certains grands temps de la musique baroque ou de la musique du Moyen-Âge. Deux, trois maîtres mots qui vont maintenant se vérifier complètement dans l'écoute de l'album dont j'ai parlé. C'est effectivement, un, l'aspect symphonique, mais ce que lui va appeler des symphonies miniatures, puisqu'elles font entre 2 et 5 minutes. On peut effectivement considérer qu'elles sont miniatures. Mais pourquoi pas ? Une symphonie, ça définit plutôt un format d'orchestre qu'un format dans la durée. Donc pourquoi pas faire des symphonies d'une minute 30 ? Après, il va avoir les moyens d'en faire des beaucoup plus longues, et il le fera dans une période presque avant la fin de sa vie, en fait. Une période allemande que j'évoquerai un petit peu après cette écoute-là, mais... bien sûr, ce jeu sur la tonalité, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans l'avant-garde de l'Europe ou quoi que ce soit, c'est un retour à quelque chose de très classique. Et ses racines paganiques, un peu nordiques, plus ou moins fantasmées, hein, d'ailleurs, ils n'ont pas peur de le dire. Mais le tout qui se démarque quand même par une complexité rythmique évidente. Vous allez le vérifier dans les écoutes qui vont suivre. Et un chaud-froid permanent entre des vieilles formes et des nouvelles formes. Les vieilles formes, autant que je les nomme tout de suite, elles sont constantes chez lui. C'est un, l'usage du canon. Je vais être un peu technique là-dessus, mais le canon, c'est en fait une forme de répétition, entre guillemets, qui est plutôt d'ailleurs une imitation d'une phrase sonore qui va être aussitôt reprise en contrepoint par soit un autre instrument, soit par une autre voix. Donc ce n'est pas une reproduction à l'identique, mais c'est plutôt un écho qui se fait par une voix B, par un instrument C, etc. Et chez Moondog, les canons peuvent être une espèce de répétition permanente à la façon d'un jeu de miroir face à l'autre qui se retourne. D'où un effet comme ça qui a complètement inspiré, et ça paraît évident, les minimalistes comme Steve Reich, comme Philip Glass, d'essence typiquement new-yorkaise, qui vont embrayer le pas à Moondog. Mais chez Moondog, pas de paternité assumée de ça, absolument pas. Quand bien même, chez les rejetons plutôt doués du minimalisme que je nommais, il y aura peut-être une recherche de paternité avouée ou pas avec Moondog. Et un autre mot aussi, alors un peu savant, mais pas plus que ça, c'est les madrigaux, le madrigal. C'est une forme très moyenâgeuse, en fait. Et qui même, alors, elle est initiée pré-Moyen-Âge, elle survit à la fin du Moyen-Âge, on la voit un petit peu au début du baroque et à la Renaissance. C'est une polyphonie, en fait, et qui fonctionne souvent, justement, avec le jeu des canons, mais sur des orchestres de voix, spécialement des voix, à quatre ou cinq voix, et chez Moondog, c'est monté jusqu'à 9 voix. Et on en entendra un tout petit peu là, dans cet album. Mais l'album de l'écoute d'aujourd'hui, si j'insiste tant sur ce qui l'a motivé et sa genèse, c'est parce qu'effectivement, c'est une espèce de fin de tunnel dans lequel il va enfin pouvoir mettre tout ce qu'il a envie de mettre, et surtout avec un grand orchestre. Je rappelle que Moondog vivait dans la rue. Alors, pas toujours dans la rue, mais quand même pratiquement tout le temps. Peu de temps avant cet enregistrement, il était dans la rue. Le compositeur minimaliste que j'ai évoqué comme ça entre deux portes et dont on peut quand même saluer la gentillesse, la générosité, a accueilli chez lui et pendant quelques mois Moondog. Il s'agit de Philip Glass, très connu aujourd'hui, mais qui, en 1968-1969, ne l'est pas. Il se trouve qu'il est le fils de quelqu'un qui édite des partitions de musique, donc c'est le bon copain à avoir parce qu'il donne des partitions à ses copains. Ça a l'air de rien, mais du papier musique, ça coûte de l'argent. Et ces gens-là en usent à satiété, évidemment. Bon, encore plus chez quelqu'un comme Moondog, qui lui va utiliser une partition en braille, qui est beaucoup plus cher. Voilà. Donc, tout arrive à qui sait attendre. Et enfin, les premiers thèmes des Moondog vont peut-être trouver, comme ça, un écho. Un sur du grand public, deux sur du grand studio, et avec une grande distribution. Thème, par exemple, qui va ouvrir le bal, ce qu'on entend, c'est un des tout premiers morceaux de Moondog, c'est un des premiers qui signe dans la rue, enfin, il doit être un morceau de 1948 ou 1949. Sa seule version définitive va apparaître là, celle qu'on pourrait penser une version définitive, mais en fait, il y a plein de versions qui préexistent avant. Et la plupart des morceaux qu'on va entendre là sont nourris comme ça, de pas mal de petites influences. Donc ça peut s'entendre à la fois comme la fin d'une étape et puis le début d'une autre. Je vais laisser filer la première face et quand j'interviendrai, vous allez voir qu'il y a eu. J'interviendrai pour souligner certainement un morceau qui a été un tube gigantesque malgré lui et qui a complètement échappé à son auteur. Mais ça, j'y viendrai dans un deuxième temps. Parce que Moondog, en venant finalement de la rue, a probablement touché les étoiles et surtout le Star System à un moment donné, mais pour en repartir aussitôt, en tout cas de New York. Et on détaillera un petit peu après, c'était l'écoute de cet album, comment il a pu finalement renaître de ses cendres et mourir paisiblement avec une vraie vie européenne, pour le peu, en Allemagne. Voilà, pour ce long préambule, mais j'y tenais un petit peu pour vous situer le personnage. Voilà, maintenant, fermez les yeux. Imaginez comme ça un bonhomme en très très très longue toge, avec une barbe qui est presque aussi longue que sa toge, et ses petites cornes de viking. L'album est assez court, hein, il fait une trentaine de minutes, donc on se retrouve pour un commentaire de ça dans 15 minutes. À tous, bonne écoute. Machines were mice and men were lions once upon a time, but now that it's the opposite, it's twice upon a time. Voilà, la césure de disque. On va tourner la face. Ah oui, ici, à l'ancienne, même si en vrai, ça ne se fait presque plus maintenant. On vient de finir cette face A donc, de Moondog, l'album éponyme de Moondog en 1969. Une symphonique terminale. C'était une des deux symphoniques qui étaient dans cet album. Tout comme il a les mini-synphes, les mini-symphes, mini-symphonies ou symphoniques. C'est quelqu'un qui aime beaucoup les mots valises et les jeux de mots, comme ça, accessoirement, d'ailleurs, Moondog. Instrument relativement rare, surtout dans cette acceptation quasi jazz, c'est la clarinette qu'on entendait dans ce morceau-là. Et en fait, c'est un hommage à Benny Goodman. Donc, faut pas finalement tout à fait s'étonner de ce clin d'œil comme ça, jazz un peu évident, qui a quasiment appuyé et qui a fait du coup chez les musiciens de jazz de Moondog une certaine référence. Pour ce morceau-là et peut-être plus encore pour un morceau qui est le morceau peut-être le plus fort qui va composer la deuxième face à laquelle j'arrive maintenant. C'est un morceau qui s'appelle Bird Laments, en fait Lament Number One, mais il est sous-titré Bird Laments, Bird comme Charlie Parker en fait, dont c'était le surnom bien bien connu. Et Parker et Moondog étaient copains en fait, ils se croisaient au coin de la rue et ils discutaient. La 8e avenue était pas très loin de Broadway, des clubs de Broadway, de Birdland et d'autres où Charlie Parker jouait régulièrement. Et les deux hommes comme ça s'étaient pris en estime et avaient beaucoup parlé de musique. Donc cette chanson, j'allais le dire, mais alors au sens songs, comme le disent les Anglais finalement, elle est vraiment truffée d'un sentiment et de larmes et d'un respect pour Charlie Parker que même d'autres musiciens de son camp n'ont peut-être pas fait aussi bien. Quoi. Il y avait clairement chez Moondog un grand respect pour lui et probablement une très très grande tristesse dans ce morceau-là. Tristesse qui s'est retrouvée avec le temps un petit peu dévoyée. C'est la vie, hein, c'est la vie de la musique, des fois, c'est de changer de main. Bird Lament a été multi-samplé. Et notamment pour un succès assez phénoménal par un DJ anglais qui s'appelle Mr. Scruff et qui avait fait de ce morceau-là un tube incroyable qui avait été popularisé dans des publicités, mais genre, je ne sais pas, des publicités pour des assurances, pour des voitures, enfin des choses assez peu connexes quand même avec l'image qu'on pouvait se faire d'un compositeur comme Moondog ou bien de son hommage pour Charlie Parker. Et du coup, la chanson originale elle-même s'est retrouvée encore plus multicitée, multicréditée et encore republicisée à tirer la rigot. Moondog était mort à ce moment-là, c'est quelqu'un qui disparaît en 1999. Donc c'est toujours comme ça, à peine vous êtes mort, quand vous êtes un génie, c'est là que tout d'un coup, TF1 vous met partout sur des pubs. C'est même pas dans les derniers mois où vous pourriez profiter un petit peu de vos droits d'auteur. Voilà, Moondog est totalement dans cet esprit-là. Bon, même si c'est quand même quelqu'un qui, à la fin de sa vie, aura trouvé une reconnaissance et surtout aura trouvé à être hébergé comme il se doit et a pu être dans la rue. Ben voilà une de ces petites histoires qui font les grandes histoires de la musique. On vient de retourner donc la face B et je vous propose de découvrir d'abord cette mini-symphonie, mais surtout ce Bird Laments qui a fait le tour du monde et que vous avez déjà entendu, réentendu. Et tant mieux, on ne s'en lasse pas. Mais après, de se dire que ça sert à vendre des voitures ou bien des polices d'assurance, il y a forcément une ironie du sort qui n'est pas tout à fait dans l'esprit d'origine de la musique. Enfin, ainsi vont les choses. The only one who knows this ounce of words is just a token is he who has a tongue to tell that must remain unspoken. Thank you. Thank you. Voilà, sur ces notes s'achève l'album Moondog, deuxième du nom, et par Moondog. C'est un petit peu amusant d'ailleurs de noter comme nombreux des albums de Moondog portent son nom dans le titre. Hein. Moondog, Moondog 2, Moondog Suite, More Moondogs, The Stories of Moondog, ça c'était des chez Prélude, Moondog on His Friend, c'était encore un petit peu avant. Donc ça, le Moondog, Moondog, l'officiel, la pierre angulaire qui va quand même activer le vrai désir symphonique des Moondog, chez Columbia, Epic, CBS, donc en 1969. Quel disque, hein, quand même. Je retourne vers l'assistance qui, de trois personnes, enfin, de toutes dévouées. Heureux que ça vous ait plu. Vous avez certainement reconnu, bien sûr, dans Bird Laments, cette musique ultra télévisuelle aujourd'hui. Alors bon, finalement, tant mieux hein, que une musique comme ça puisse survivre à son auteur. Il y a un morceau intéressant, et à chaque fois que je l'entends dans ce disque, l'avant-dernier morceau, qui est une petite Witch of Endor, mais peu importe le titre, c'est une musique de danse qui est en trois temps. Et ça, le truc ne marche pas très bien. Il y a un moment où le disque est moins bon. Et c'est sur cette musique de danse qui avait été composée pour Martha Graham. Et Martha Graham, c'est quand même important dans la danse contemporaine. Tant et si bien que Martha Graham, forcément, dans cette galaxie d'avant-garde new-yorkaise qui était ultra bouillonnante dans les années 60, évidemment, croise Moondog, mais l'échange ne se fait pas. Martha Graham ne va pas valider la compo, elle ne va pas le garder. Quoi. Et c'est quelque chose qui, même si ça n'a jamais été dit, je reste à peu près convaincu que ça a énormément fait de peine à Moondog et que ça a probablement justifié encore plus son dédain. Alors le mot est peut-être un petit peu exagéré, mais le fait de ne pas vouloir se reconnaître dans cette avant-garde américaine et qui faisait feu de tout bois à ce moment-là. C'est-à-dire, la musique côtoyait les arts plastiques, qui eux-mêmes côtoyaient la danse contemporaine, qui eux-mêmes côtoyaient tout. Et Moondog, lui, restait une espèce de sacro-saint génie de la musique médiévale, quelque part. C'est ça qu'il souhaitait. Et surtout, se tourner vers l'Europe. Et finalement, c'est ce qu'il va faire après. pas si facilement que ça, et plutôt à la fin des années 70, pour finalement s'y révéler complètement dans les années 80. Pas mal de choses se sont passées entre-temps. Paradoxe à signaler, c'est que ce disque-là, hein, qui va officialiser quand même Moondog, et accessoirement, lui, enfin le nourrir, quoi, et bien. Ben oui, mais le problème, c'est que les droits d'auteur, il faut attendre que les droits d'auteur tombent, etc. C'est-à-dire que Moondog va se retrouver une deuxième fois à la rue pour payer les musiciens qui ont été engagés sur ce process-là avant d'être lui-même payé. Alors bon, ça n'a pas duré non plus des années, soyons francs, mais voilà, il y a quand même des incertitudes artistiques comme ça qui méritaient d'être signalées, alors à l'époque comme aujourd'hui probablement. Voilà. Ben, j'espère vous avoir fait partager un super coup de cœur ici. Des questions, des émotions. Non, c'est vrai qu'on se demande dans quelles conditions en fait tout ça a été réalisé, parce que pour sortir de la rue comme ça et se retrouver dans un studio d'enregistrement avec des musiciens, avec un producteur, enfin, on a du mal à s'imaginer ça. Il y a un coup magique. Ouais, je rappelle justement en plein micro ce que vous disiez, comment les conditions on puisse faire. Alors, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ce n'est pas non plus la baguette magique qui fait, voilà, c'est pas Cendrillon où le machin se transforme en carrosse, quoi. En tout cas, cette transformation, si elle a lieu, elle se fait sur pas mal d'années. Moondog, c'était aussi, soyons francs, il était chiant, hein. Il était dur à supporter. Il s'était embrouillé avec pas mal de gens, mais même avec Philippe Glass, hein, qu'il avait hébergé quand même. C'était quelqu'un, soyons francs, qui dans son amour de l'Europe et ses influences paganes vikings en arrivait à être dans une espèce de réactionnaire finalement un peu limite, quoi. Une espèce de... Voilà, de viking assumé, proto-arien. Alors, évidemment, tout rien à voir avec du nazisme ou quoi que ce soit, mais enfin, presque dans une idéologie comme ça, ultra-blanche, et une mythologie fabriquée de lui-même, pour lui-même, qui pouvait être gênante vis-à-vis des autres, à l'évidence. Mais paradoxalement, ça lui faisait faire aussi croiser des ennemis, des amis qui n'étaient pas de son camp. L'histoire avec Charlie Parker, elle est assez belle pour ça. Alors que l'histoire avec Martha Graham ne marche pas. Voilà. Et je pense que Moondog, il est au cœur comme ça de contradictions constantes. Ça va justifier juste après. Moondog, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies. Notamment, il a eu une fille qu'il avait totalement abandonnée et abandonné sa famille, qu'il a à peine connue, qu'il va retrouver en 1972 ou 71, en fait, pour l'album Moondog 2, c'est-à-dire que CBS va dire « Ok, maintenant, on va faire un deuxième disque ». Et Moondog est génial, mais incontrôlable. Moondog ne va pas vouloir faire un disque symphonique. Moondog ne va pas vouloir rentrer dans ce qu'on veut attendre de lui. Il va faire ce qu'il a toujours voulu faire, enregistrer les madrigaux, donc ces morceaux, le plus souvent composés comme ça, en canon pour des polyphonies, mais uniquement entre lui et sa fille. Sa fille qu'il avait rejetée, qui avait disparu au sens propre, non seulement il la retrouve comme une jeune femme épanouie qui a 20 ans, mais en plus c'est une excellente chanteuse. Donc il y a une espèce d'amour retrouvé, filial au sens propre, qui va être magique sur cet album-là. Et je pense que c'est l'album le plus important de Moondog de cette période-là, plus encore que celui qu'on vient d'écouter. Celui qu'on vient d'écouter est splendide parce que c'est une pierre angulaire. Et il va mettre Moondog sur comme ça, sur un piédestal. Mais finalement, c'est quand il tombe de son piédestal qu'il est le meilleur. Ça peut être une petite bonus track de fin, justement, qu'on va découvrir exactement l'illustration de ce que peut être un double canon en répétition, c'est-à-dire une imitation d'un motif qui est lui-même surimpressionné. C'est extraordinaire, il y a quelque chose qui est à la fois dans une tradition médiévale qui n'existait plus à partir de l'avènement du baroque et surtout de la musique classique romantique, etc., et qui revient de plein pot dans une musique qu'on pourrait penser contemporaine, mais qui, moi, me fait complètement penser à ce qu'il y a à l'époque avec, un, la répétition des motifs minimalistes, Steve Reich, tac, tic, boum, tac, tic, boum, tac, tic, boum, ou d'autres dans le genre. Mais c'est aussi, et c'est en cela que le canon est intéressant, puisque c'est une imitation et pas une copie 100% originale. C'est exactement ce qui se fait dans le pop art avec des gens comme Warhol qui vont sérigraphier une Marilyn et la reproduire, mais la Marilyn 2 n'est pas la même que la Marilyn 1. Et ainsi de suite. Et du coup, je trouve que Moondog, encore soit par un heureux miracle, mais aussi par un génie absolument incroyable, une manière de capter son époque comme rarement les gens ont pu le faire comme lui, en tout cas pas de la même manière, peut comme ça voilà, restituer quelque chose. C'est un bel au revoir, vous allez voir, ça s'appelle Remember, on est en plein le souvenir, et c'est ça, c'est Moondog, sa fille, une toute petite formation, et pour l'album Moondog 2, toujours chez CBS, qui lui va pas marcher. Et après, il va être viré de la maison de disques. Bon, il aura cette renaissance allemande dont je parlais tout à l'heure, mais c'est une autre histoire. Ce sera l'occasion peut-être d'une prochaine rencontre. Donc, ce morceau en canon, Moondog, sa fille, bah, joli père pour le peu. Remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember, remember